Il grande Buddha Galileo, le riprese open. Io ne fu servus ad ecole, vendredi matin de Guyan pour la première fois de son histoire, emportant à son bord les deux premiers satellites de Galileo. À terme, Galileo offrira des services de positionnement à la fois plus fiables, mais aussi plus précis que les GPS. Les utilisateurs grand public devront rapidement profiter du effort des satellites européens, car ils ont été conçus pour être interopérables avec le système américain. Les deux premiers satellites importés par la fusée russe à 23 000 km d'altitude seront suivis au milieu d'années prochaines par d'autres. Ces quatre engins fourniront les premiers embryons opérationnels du système final, qui devrait compter à terme 30 satellites.